Bismillahirrahmanirrahim. Le site de damouage.fr vous présente une série de cours de ta'bir, d'expression orale en langue arabe, tiré du livre de l'université de Riyad, niveau 1. Cours dispensé par Abu Taymiya Khalil al-Martiniki, wafaqahullah wa saddada. ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل الإسلام والمسلمين. Introduction, première leçon. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد. Inch'Allah, nous allons nous donner un bachelor qui est le kitab الذي يتعلق بالتعبير. La langue arabe, qu'on appelle la science de la langue arabe, elle est divisée en différentes catégories. Parmi elles, les nahou, qui est connu, la grammaire. Il y a Al-Qira'a, la lecture. Il y a Al-Kitaba, le Khot, qui concerne l'écriture. Al-Balara, qui concerne ce qu'on appelle l'éloquence. Il y a également Al-Imla, qui concerne l'orthographe, comment écrire les mots, la Hamza, où le placer. Et parmi les sciences également de la langue arabe, il y a celle-ci que nous allons prendre, qui est Al-Ta'bir. Al-Ta'bir, qui est entre autres l'expression orale. Ta'bir, c'est le masda du fi'l abbara yu'abbiru. Abbara yu'abbiru. Abbara. تعبير هذا المصدر تعبير يعبر C'est un mot qui veut dire, c'est un verbe, taïeb, abbara, qui veut signifier le fait d'interpréter. Par exemple, abbara ruya, c'est interpréter un rêve. Et abbara an, quand on rajoute un hifoja, c'est exprimer une chose, formuler quelque chose, énoncer quelque chose. La ta'bir, c'est son masdar. Mazdar, je ne sais pas si vous avez déjà compris, c'est quoi Mazdar? C'est le nom qui est pris d'un verbe qui définit l'action sans avoir de lien avec le temps. La salem, kharaja, puis la kharaja, et puis il va sortir. Yakhruju, c'est le mot de lire. C'est Mazdar, c'est khuruj. Kharaja, c'est-à-dire sortir. Et khuruj, c'est Mazdar, c'est-à-dire sorti. Vous voyez, c'est le mot qui définit l'action, mais il n'est pas lié au temps. Qu'est-ce qui définit l'action? Et, par exemple, ça ce serait s'exprimer, donc ça serait genre l'expression, l'énonciation, ainsi de suite. C'est ça un masdar. Et à chaque fois que vous cherchez un verbe dans le Qamus, dans le Marajoum, dans le dictionnaire, pas le Mourdjem, mais un peu dans le dictionnaire, il vous donne le verbe sous sa forme mardi, passé, parce qu'il n'y a pas l'infinitif en arabe. Vous voyez, c'est directement au mardi. Ensuite, il vous donne le mot d'Aliya, qui est le présent. Et ensuite, il vous donne le masdar. Dans le dictionnaire, on trouverait comme ça. Mardi, mot d'Aliya, Aliya, ou Aliya, ou Ma, masdar. Là, le mot, Mardi. Non. Et même d'ailleurs, souvent, il arrive comme ça. il arrive dans le Sulban. Souvent dans le Coran, dans le Coranus, dans le dictionnaire, il arrive comme ça. Avec qui le faire des nur, le maire et tout, etc. La lina de nur, c'est un Coranus de traduction. Moi, je parle de dictionnaire arabe. Je suis arabe. Et j'ai le nom de la fille à ta tête. Non. Voyez. Parce que ma troule, fille, elle. Le titre. Renouen, c'est le titre. Ou à Safar. Voyez, Safar. Safar, ça veut dire voyage. Ça passe, ça vient voyage. Ensuite, il vous donne quoi? Les différents douloureux qu'il y aura dans le sujet, qui est Safar. Il y a Awalen Ijra Afi Safar, c'est les formalités de voyage, c'est ce qu'on va prendre en premier. Fimekteb El Hajz ou El Hiz. Ça, c'est dans l'agence de réservation. Puis Solet, à Safa, c'est dans la. Comment on appelle ça la salle de réception pour les voyageurs. Ou plutôt la salle d'embarquement, plutôt. Non. Salle d'embarquement. Ensuite, puis Solet, El Stigbel, ça c'est la réception, là où les voyageurs ils arrivent. Et le dernier, c'est Ma'asair Sayarat Oujra, avec le conducteur du taxi. Ah ouais. De toute façon, tout ça, ça va venir. Là, c'est juste mon code d'image. Ah. Chaque verse va venir, donc le titre va se répéter, Inch'Allah. Donc, nous, le premier, c'est, on a dit, Ijra'at al-Safar. Vous voyez, Ijra'at al-Safar. Pas Ijra'at, là, c'est un. C'est un djem, mu'annath salim. Et le singulier, le mufrad, c'est Ijra'a. Qui veut dire formalité. Et formalité. Fawalan yatibi el kalimat el jadida. Nouveau vocabulaire. Fait le jidoual, on a dans le tableau. On a yurli el kalimat el jadida. Awalan yakul taskira. Taskira, ça c'est un billet. Ticket billet. Et nous, on va prendre le jam en même temps. Tafkira. Tafkira. Et ça, c'est le moufrad. Le jam, c'est. Tadakir. Ça y est. Tadakir. تذاكر ألف هنا تذاكر ensuite le mot d'après جواز السفر ça c'est le passeport à la base جواز quel est le mot جواز c'est un mot qui veut dire permission vous voyez c'est un mot qui veut dire permission جواز permission. Donc en fait, c'est une permission de voyager, ce qui est traduit chez nous par le passeport. Ouzbourg, après Ouzbourg, Hada, c'est la semaine. Vous voyez, c'est la semaine. Et le jour, c'est Asabia. Ouzbourg. Et là. Je veux dire, c'est Asabia. Toira, l'avion. Et Toira, c'est l'avion. Et Jem, c'est Toira. On rajoute un livre et un thème. Jem, voilà, c'est un livre. Hajaza Yahjizu, ça c'est réservé. Hajaza, يحجزوا هذا فعل بمعنى réservé. Ça veut dire réservé. طيب سفرون نجي كوا سفرون voyage. سفر c'est voyage. اين باب يحجزوا تحت يحجزوا باب طيب يحجزوا c'est je réserve. Il réserve. سفر c'est voyage. تسلم يتسلم طيب تسلم يتسلم ça هذا فعل qui veut dire recevoir réceptionner qui veut dire recevoir réceptionner et c'est un verbe hein? C'est un khumasi c'est un 25 lettres. Après, quand on parlait, toi, tu me disais Kallama ou Yatakallama. Et bien, Yatakallama, c'est comme Tassallama. C'est la même. C'est la même mesure. Non. Vous voyez ? Donc, le mot dit c'est Tassallama. Et le mot doit lire Yatassallamu. Vous voyez, Tassallamu. Voyez. Istikharaj, ça, c'est un masdar. Du verbe Istakharaja et Istakharaju. Istikhraj, ça veut dire quoi ? C'est désirer faire sortir quelque chose. Vouloir faire sortir quelque chose. Hein ? Donc je ne sais pas comment traduirait. Mais là, dans le texte, il a un peu le même sens que Tassallam. Donc istikhraj là, ce serait à la base, ce serait plutôt, je sais pas moi, extraction. Mais là dans le texte, c'est pas ça qu'ils veulent. Mais akhraja istikhraj. C'est la même origine, mais après le, quand tu rajoutes des lettres, ça change de sens. Là, c'est dans il est pareil le sens. Non là, il est pas pareil. Chaque fois que tu rajoutes des lettres, ça apporte un nouveau sens au verbe. Ça c'est dans sens ou verbe, inchallah. Toutes les fois où des lettres sont rajoutées dans un verbe. Qu'est-ce que ça apporte comme sens nouveau ? Ça y est. Akmala yukmilu. Akmala, ça veut dire ici achever, compléter. Yukmilu, c'est le mudawaliya. Et ikmal, c'est le masdar. Ikmal, c'est le masdar. Et akmala, ça vient en quatre lettres. Arubaï. Je vais dans Saf, comment il se conjugue. Chaque verbe qui a, en fonction de ses lettres, de son nombre de lettres, a une conjugaison particulière. Allah Sayyatin Shalafi, Donus et Saf. Inch'Allah. Là, il va vous donner certains verbes, il va les conjuguer pour vous. Mais quand vous allez apprendre le Saf, ça va être du mathématique. Dès que vous allez voir un verbe, ça va le conjuguer tout de suite, tout seul. Là, juste, il va vous montrer comment, certains verbes, mais quand vous allez faire le Saf, Inch'Allah, le verbe sera conjugué directement tout seul. Biznillah. Masdar. Ikmal. Ikmal, c'est le masdar de Yukmilu. Kif aktub masdar. Masdar, mim, sod, del, ra. Masdar. Masdar. Masdar. Masdar. Dod. La, del. Masdar. La kin avec le sod qui est devant, ça fait un tafrima. Tu dis pas masdar. Masdar. Ouais. Même Arna Masdar. Il n'y a pas de traduction. C'est le mot qui vient du. C'est pas racine. C'est plutôt une référence, quoi. Racine, ils disent des racines. Non, racine, c'est asli. Masdar, c'est plutôt genre une référence. Mais il n'y a pas vraiment d'équivalent. Dans les Ijra'at, on l'a dit au-dessus, c'est une formalité. Ta'shira. Ça, c'est le visa. Ta'shira, c'est le visa. Vous voyez ? Khuruj, ça veut dire sortie. D'ailleurs, vous connaissez déjà ce mot avec les tabliers. Khuruj, c'est abilillah.

Donc il dit, Mahmoud il a dit, quand est-ce que tu, ou comment vas-tu voyager, par quel moyen vas-tu voyager? Rachid il répond, Bitta ira. Donc là, Bissa Hafoja qui veut dire par. C'est d'autres sens, mais là le sens voulu c'est par. Bitta ira par avion, Bard qui veut dire après, Ikmel, c'est après avoir complété, Ikmel on a dit c'est-à-dire quoi, compléter, achever. Ijra'at et Safar, les formalités de voyage. Donc il dit, par avion, après avoir complété les formalités de voyage. Non. Mahmoud. Hel hajasta. Donc, hel hajasta, c'est as-tu réservé. Et as-tu réservé. La. Lam atasallam. Lam atasallam. Tazkira. Ma ant. Donc il dit quoi? Non. La, non, ma'louf. Lam atasallam. Et tazkira. Taïb. La, lam. C'est un harf, voyez, qui sert à quoi? À faire une négation dans le passé. Dans le passé ou dans le présent? Alors dans un film, dans un verbe au présent, mais le sens c'est le passé. Quand tu dis lam atasallam, c'est je n'ai pas reçu. C'est comme tu dis par exemple zahaba. Comment tu dis j'ai pas été, je n'ai pas été? À la base, avec le mardi, comment tu dis? Ma zahabtu. Eh bien, avec le mot d'Ali, tu veux dire l'âme adhab. Les deux ont le même sens. Sauf que tu en as un, son apparence, elle est au présent. Mais quand c'est l'âme, ça l'envoie au passé. Ça, Inch'Allah, c'est Al-Hafoujaz, ça vient dans Al-Juroumi, Inch'Allah. Mais le sens, c'est quoi? Ça envoie au sens passé. Vous voyez? Donc il dit, je n'ai pas réceptionné les billets. Et toi? Ou Anta? Et toi? Naam, tasallam tuha, wa taslam, wa tas. Wastakhrajtu jawaz as-safar. Donc Mahmoud il dit na'am. Quelle question? Il dit na'am, lui il les a déjà pris. Tasallam tuha. Vous voyez, je les ai déjà réservés. Non, pris. Ah, vous voyez, je les ai déjà reçus. Wastakhrajtu jawaz as-safar. Donc là on dirait j'ai demandé de faire sortir le passeport, mais ça se dirait pas. Vous voyez? Donc on dira pareil, j'ai reçu le passeport. J'ai fait une demande de passeport en fait. Et je l'ai reçu. Ça sera duré comme ça. Mais Mistakhraja, comme je vous ai dit, c'est un verbe qui veut dire vouloir faire sortir quelque chose. Extraire quelque chose. On ne se dit pas, j'extrais mon passeport. Ça ne se dit pas en langue française. Donc c'est quand je dis, j'ai désiré mon passeport et je l'ai reçu. Je fais délivrer le passeport en fait. D'accord. Non. Rachid. Non. Donc il dit, je vais aller maintenant pour le recevoir. Ou les recevoir, les billets en fait, il parle des billets. Ça, al-zahabu, quand tu mets ça dans un fiel, on doit lire, ça veut dire quoi? C'est le futur. Ça y est, c'est le futur. Ça, al-zahabu, je vais aller maintenant. Vous voyez, ben-en. Li, c'est un projet qui veut dire pour. Istilamiha, pour les réceptionner, les recevoir. Istalama, c'est un mazdar de l'istalama. Et le ha, l'al-domi, il revient à qui? Les billets. D'ailleurs, les billets. Parfait. Mahmoud. Amma ana fasa ukmilu ijra'at. Ijra'ati ta'ashir ta'ashiri ta'ashira. Ta'ashirat dukhulu. Ta'ashirat dukhuli. Ta'ashirat dukhuli wal khuruj. Non. Mahmoud dit. Et quant à moi, je vais compléter les formalités pour obtenir le visa d'entrée et de sortie. Quand tu dis « amma », ça se traduit par « quant à ». Quant à. Quand. Quand tu as. Quand tu as. Là, c'est pas « quant à », c'est « quand » avec un « t ». Et quant à ça, moi je dis ceci, c'est ça. Voilà. T'as vu ? Lorsque, en fait. Non, c'est pas « lorsque ». Alors tu dis... tu dis Mohamed est algérien. Mais quant à Ibrahim, il est marocain. Quant à. Ah, donc il dit Amana, donc quant à moi, en ce qui me concerne. Face à Ukmilou, je vais compléter Ijra'at, Ta'shirat et Dukhul. Je vais compléter les formalités du visa d'entrée et de sortie. Et quand tu mets amma, voyez, quand tu mets amma, et bien dans la phrase il y a un fa qui vient aussi. Quand tu vois amma ana fa sa ukmilu. Par exemple, kabikuli ta'ala famma latima surat ad-duha famma sa'ilu fala tanhar مثلا. Et quant au questionneur, ce qu'il te demande, ne le rejette pas. Vous voyez ? Vous voyez, le texte est le Nas Mafoum. Mafoum ? Vous voyez que l'awalen istamir ou raddid. Donc il veut que tu écoutes et que tu répètes. Donc là, il va vous montrer comment, comment conjuguer le verbe tasallam. Vous voyez, tasallam. Andek, anta takra. Kul wahid yakra jumla. Anta l'oula, thumma anta thaniya, thumma anta thalitha, thumma anta rabi'a. Hakada. Ana tasallamtu tadakkira safar. Donc j'ai reçu les billets de voyage, du voyage. Ana tasallamtu. Quand le verbe vient au passé avec ana, c'est tu. Tu dis tu. Non. Nous avons réceptionné le billet de voyage. Anta tasallamta tadakira as-safar. Safar. Non. Anti tasallamti tadakira as-safar. Antaha. La. Antuma. Antuma. Adi mim. Antuma tasallamtuma tadakira as-safar. Afin juste n'a qu'il faut là, Antuma tasallamtuma tadakira as-safar. C'est vous deux, vous avez reçu, voyez, le billet du voyage. Donc tu dis quoi? Tasallamtuma. Et tasallamtuma. Naam. Antum tasallamtum tadakir as-safar. Naam, vous avez reçu le billet du voyage. Antuna tasallamtuna tadakir as-safar. Naam. Donc vous, c'est là il parle des femmes. Vous avez reçu, vous avez récupéré plutôt le billet du voyage. Huwa tasallama tadakir as-safar. Naam. Il a récupéré les billets du voyage. Hiya tasallam tasallamat tasallamat. Hiya tasallamat tadakir as-safar. Huma tasallama tadakir as-safar. Naam. Huma tasallamat tasallamta tasallamata. En fait, le premier, huma tasallama, c'est pour deux hommes. Et quand tu mets un ta, ce qu'on appelle ta'mis et sakina, c'est le même que hiya tasallamat. C'est le même ta. Seulement, on rajoute le alif après derrière, qui lui, c'est un domir, c'est lui le fa'il, c'est lui le sujet. Quand tu dis huma, en parlant de deux femmes, tasallamata, ça te fait différencier entre l'homme et la femme. Vous voyez, comme quand le ta'ala, les femmes vakalou kal unfa. Vous voyez, le mâle n'est pas comme la femelle. Même dans les règles du parler, en langue arabe, tu différencies entre l'homme et la femme. C'est précis. Vous voyez, c'est le même domir en apparence, mais quand tu conjugues le verbe, là tu vois la différence si on parle d'homme, si on parle de femme. Huma tasallam tasallamata tadakira as-safar. Hum tasallamu tadakira as-safar. Non, c'est muzakkar. Hunna tasallamna tadakira as-safar. Donc attention à celui-ci. Hunna tasallamna tadakira as-safar. Là c'est pour des femmes. Elles ont récupéré les billets. Et nahnu tasallamna. T'en as, il y a un med, il y a un alif à la fin. Et l'autre, tu n'en as pas. Vous voyez, les deux, ce n'est pas un noun, seulement t'en as un, il y a un alif. Nahnu tasallamna. Et l'autre, c'est hunna tasallamna. Les deux, alif, sans alif. Naam. Ala mafoum. Tayyib. Thaniyan. Akmil kama fil namoudaj. Donc il dit complète comme dans l'exemple. Échantillon. Namoudaj, c'est un échantillon. À la base, mais là, il veut dire quoi l'exemple? Donc le namoudaj, ils disent ana safartu bi ta'ira. Donc moi j'ai voyagé par avion. Donc ils veulent faire pareil avec les autres dama'ir. Comme on a fait avec tasallama. Sauf que là, c'est safara qui veut dire voyager. Ça y est, on va le faire ensemble celui-là, Inch'Allah. Nahnu, tfaddal anta, ibda. Qu'est-ce que tu as dit? Comment tu dis? Nahnu, safarat. Safar. Avec un mètre, safar. Safar. Après, tu mets le domir, mutasil. Safar. Qui a vu un nahnu? Aïe, ouais. نحن سافرنا سافرنا بالطائرة نعم أنت أنت سافرت بالطائرة نعم أنت سافر سافر أنت بلا المد أنت سافرت بالطائرة أنتما سافرتما بالطائرة نعم أنتم أنتم سافرتم بالطائرة أنتن أنتن سافرتن بالطائرة هو سافر بالطائرة هي سافرت بالطائرة هما attention là on veut je vais le mzakkar هما سافر attention met سافر أخذت من الضمير comment tu dis سافرما لا on a dit comment تسلم هما تسلم donc là هما هما سافرما سافرما لا c'est quoi la lettre qu'on rajoute quand on a dit هما تسلم c'est quoi le verbe تسلم donc on a rajouté quoi comme lettre à la fin تسلم qu'est-ce qu'on a rajouté non le mim fait partie du verbe Le verbe c'est tasallama. Ah. On a rajouté quoi comme verbe, comme lettre à la fin? Un alif. Fakat. Juste un alif. Donc là, pareil, tu rajoutes un alif. Donc tu dis. Huma safara. Aïwa. Huma. Bitaira. Safara bitaira. Non. Maintenant je veux Huma bin Mouannaf. Qu'est-ce que tu as dit? Huma safarata bitaira. Arsant. Hum. Hum. سافروا نعم بالطائرة نعم أحسنت هن هن سافرنا بالطائرة طيب دونك لو باء يقول طيب يقول أنا عرفت البقالة عرف يعرف كي بدي كونيتر طيب عرفت سي جي كوني والبقالة طيب سي ليبيسيير البقالة بقالة ها بقالة بقالة زومي البقالة سي الرجل والبقالة سي اللييو ليبيسيير اون فادير والبقالة avec la fatha طيب سي ليبيسيير البقالة سي ليبيسيير C'est un petit dos de chaîne où ils vendent, tu vois, des ingrédients, de la nourriture, souvent. Taïeb. Donc là, LN ou l'Irad, Inch'Allah, pour demain, Taf'alani nef sachay. Vous faites la même chose qu'on a fait avec les deux autres verbes. Mais là, il veut juste Nahnu, Anta ou Anti. Taïeb. Eh bien, moi, je vous rajoute, je vais tous les donner ailleurs. Taïeb. Comme ça, c'est. Aki, Inch'Allah. Et là, ce chéri, Jim, bien cool. Anna, Hajastu, et Taskira. Voyez, il dit, moi, j'ai réservé le billet. Fatafalan, il est ce chéri, ma domaïr. Tatasilan, il domaïr, et le fiel. Tout ça, il fait un fiel. Vous conjuguez le verbe avec tous les domaïr. Plus que Nahnu, plus que Anta. ثالثا يقول اسند الافعال الاتيه للضمائر السابقه دونك يدي اتاش للضمائر لي عفوا يعني لي entre les verbes présents ce qui arrive là suivant et les domaires des exercices précédents

هل حصرت لا سعدود peut-être que lui il est mal imprimé le point. C'est un dod, c'est pas un sod. Comme il est mal imprimé, tu ne vois pas bien. Hein. Donc, t'es-tu rendu là, au dortoir, on va dire. Sekel, c'est le lieu de résidence, un peu. Par exemple, là, souvent, vous ils disent Taknis Sekel Asrel Raden Ala Asab Fulan Fulan. C'est-à-dire le balayage du dortoir inférieur sur les gens de tel pays. Tu vas souvent entendre Sekel. On dit Sekel, c'est le lieu où les toulabs dorment. T'as pas? Donc, t'es-tu rendu Hadara, on a dit, c'est se rendre quelque part, être présent, se présenter. Donc là, c'était-tu rendu au dortoir? Jawab, la réponse? Naam, hadartu ilayhi. Naam. Arsène, naam, hadartu ilayhi. Je me suis rendu. Hal wasalta bit-tayrat. Donc, es-tu arrivé par avion? Wasala, ça veut dire arrivé. Naam. Naam, wasaltu biha. Naam, arsène. Donc, vous avez compris, la harpoja, il reste. Il est tombé à dormir. هل سألت عن الحج عن الحج حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج حج تريد؟ نعم. طيب الآن تأخذ مدرس وهو يأخذ الطالب. نعم. هل جل الجواب؟ هل سكنت في الحجرات؟ donc as-tu habité dans la pièce؟ حجرة ça peut être un appartement une pièce. حجرة حجرة. hein؟ في حجرة. حجرة. donc tu vois tu vas le voir c'est une casserole quand même. حجرة. نعم. C'est un hujurat. Comme surat le c'est une pièce, appartement. Ça peut être une chambre aussi. Ils ont mis hujurat. Wasakana yaskunu, c'est habité. Talib et Shakul. Naam, sakantu fihi. Là. Il y a un thème marbouta. Hujurat. Ça veut dire que le mot, il est quoi? Quand tu vois le thème Arbouta comme ça à la fin. Fiha. Eh ouais. L'origine, c'est que c'est un mot féminin. C'est l'origine. Des fois, ça peut dire que c'est un mot masculin. Ça arrive des fois. Mais l'origine, si tu vois le thème Arbouta comme ça, à la base, c'est que c'est un mot féminin. Adi Kalima, Mouannatha. Naam. Thumma. Hal katabta bil qalam. As-tu écrit avec le stylo? Katabtu. Naam. Bi. Bihu. La. Là. Bihi. Bihi. En fait, c'est le hu, c'est le même domir, et quand il y a un mot qui est kasra, il devient le kasra le fait. Tu dis bihi. À la base, c'est bihu. Vous voyez? Mais le plus correct, là, c'est de dire bihi. Mais c'est le même domir, c'est hu. Ah ben, ma foule. Voyez? Sadisan, sixièmement, adib, kama fil namouzaj. Donc, réponds comme dans l'exemple. Un namouzaj, Mahmoudoun tasallama et taftira. Mahmoud a reçu le billet. Ben, là, il va vous donner quoi? Le harf qu'on a pris au début, qui rentre dans le fait moudali et qui le rend passé, comme on a dit. Mahmoudoun lam et tasallamit taftira. Mahmoud n'a pas reçu le billet. Quand tu vois lam qui rentre dans un verbe, d'ailleurs, son sens est le passé. En apparence, il rentre dans un fait moudali. Dans un verbe, voyez, au singulier, un verbe à fond au présent. Mais le sens, c'est un sens au passé. Voyez, un autre point, normalement, quand l'aim, il y en a dans un verbe, ou dans un lire, à la base, s'il n'y a pas un domaine qui est accroché, à la fin, c'est une soukoun. Tu dis l'aim adhab, le bel aura une soukoun. L'aim ajlis, le signe aura une soukoun. L'aim af'al, le lem aura une soukoun. Et là, normalement, c'est l'am est à sal l'am est à skira. Mais là, il y a une kasra. Tu sais pourquoi? parce que c'est un harf lem, non? Là, c'est pas pour ça. Il y a une raison. Là-bas, c'est une soukoun, mais ils ont une kasra. Pourquoi? Ça, c'est une règle qui est de Kitab Awwal. Non, c'est avec le alif lam de Tazkira. Ah, ouais. L'égypte, tu crois, ça qui naïn. Parce qu'il y a un autre lettre sakin qui vient derrière. Et en langue arabe, t'as pas le droit d'avoir deux lettres. Vous voyez? Sakin avec une soukoun qui se rencontre. Donc, pour éviter cela, ils ont une kasra. Mais à la base, le mim, il y a une soukoun. Vous voyez? À la base, le mim, il y a une soukoun. On fait attention à ça. Toi, si tu t'arrêtes, tu vas dire Mahmoud, lam, et tassal lam, t'arrêtes, et t'aspira. Mais si jamais tu enchaînes, tu dis lam, et tassal lam, et t'aspira. Tu vas dire la kasra. Donc là, il dit quoi? Il veut que vous répondiez Le problème, c'est qu'ils vous mettent des verbes et ils ne vous ont pas appris c'est quoi leur moudra. Ça n'a pas été très. C'est pas très stratégique comme mission. Attendez. Yaqul, Rachidun, Istakhraja, et Ta'shira. Le problème, c'est que. Il n'a pas mis au début le mot de l'air. De Istakhraja et Istakhraja. Il y a. Donc vous le retrouvez dans le tableau au début. Comment on dit Moudoualé? Il est au début. Tana Wala, celui-là il n'a pas mis. Et le Moudoualé c'est Yatana Walu. Vous voyez? Tana Wala, le Moudoualé, Yatana Walu. Yatana Walu, il n'y est pas dans le début. Yakra ma'louf, kataba yaktub ma'louf, vous connaissez. Arada, c'est quoi le modèle de arada? Yuridu. Vous voyez, arada yuridu. Shariba, c'est quoi le modèle? Yashrabu. Tu le connais? Non. Voyez. Donc, tous ces verbes-là, vous rentrez l'aime dedans. Voyez, vous rentrez l'aime dedans. Et s'il y a besoin, vous mettez une secoune. Et s'il n'y a pas besoin, vous mettez ce qu'il faut mettre à la fin. Mafoumada ? Il n'y a pas d'Ali Razin Kazalik. Filbeit. On a retrouvé son arpifouna. Ou Raden, ça c'est le coup entre Kélémet Jadida. Ou son sawib est à Maharim. Je vais vous interroger sur les mots. On va corriger l'exercice. Au fur et à mesure, faire les exemples plus vite. Pourquoi est-ce que là, c'est comme c'est le début ? Et comment c'est la machine. Mais après, vous allez comprendre que c'est autre. Généralement, c'est les mêmes exercices qui viennent. Ça se répète. C'est juste des nouveaux mots qui viennent. Mais les formules, la façon de faire, c'est la même. Quand même, il faut juste s'habituer et après, Inch'Allah, ça va aller vite. Et surtout après, le vocabulaire. Inch'Allah. Fiswell Non. Allez voir, ça te donne. C'est là j'ai reçu les billets et j'ai fait une demande de passeport. Donc pas utiliser ce verbe-là dans un autre contexte, hein, que dans le contexte. Lequel? Tassalama? Si, par exemple, Tassalam Tour, Lissa. Tassalam Tour, mais recevoir autre chose aussi, comme je sais pas, un cadeau par exemple, ça se dirait pas. Tu peux le dire aussi. En fait, tassalama, c'est quelque chose que tu attends qu'on te donne. Tassalama, c'est tu reçois. C'est aïe. Aïe, tu dis quoi? Tu reçois. Tassalama tout. Non, tassalama. Tassalama. En fait, ça se traduit par l'infinitif, c'est recevoir. Ah. Mais en vrai, c'est il a reçu. Tassalama, c'est il a reçu. Vichy Ara. Autre chose? Là? Taïeb. Ça va être bien. On a appelé l'Alhamdulillah, l'Arbul Alamin.